Aujourd'hui, samedi, le 17 juin, bonjour et bienvenue à LLB, la lecture biblico-audio quotidienne. C'est Maxime Leblanc qui est au micro, il me fait plaisir d'être avec vous pour cette nouvelle lecture. J'en profite pour vous rappeler que je vous parle depuis nos studios du ministère Cœur d'Ancre sur la côte de Beaupré. Et je vous rappelle que si vous avez des commentaires, des questions, des choses à nous dire, vous pouvez toujours nous trouver sur notre page Facebook ou encore nous écrire un courriel à l'adresse ministèrecoeurdancre@commercialgmail.com et il nous fera plaisir de vous écouter. Alors, nous commençons sans plus tarder notre lecture ce matin dans la version français courant et nous continuons avec 1 Roi chapitre 19, verset 1 jusqu'au verset 12 du chapitre 20. Le roi Achab raconta à Jézabel, sa femme, tout ce qu'il y avait fait et comment il avait mis à mort tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya alors un messager pour avertir Élie en ces termes : « Si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. » Élie prit peur et s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Beersheba, dans le pays de Juda. Là, il laissa son serviteur, puis il marcha pendant une journée dans le désert et alla s'asseoir sous un arbuste, un genêt. Il souhaitait mourir et dit « Maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne vaux pas mieux que mes ancêtres. » Puis il se coucha et s'endormit sous le genêt. Mais un ange vint le toucher et lui dit « Lève-toi et mange. » Et il vit en effet près de lui une de ces galettes que l'on cuit sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Après avoir mangé et bu, il se recoucha. Mais l'ange du Seigneur revint le toucher et lui dit « Lève-toi et mange, car tu devras faire un très long voyage. » Élie se leva donc pour manger et boire, puis avec les forces trouvées dans ce repas, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Arrivé à l'Horeb, Élie entra dans une caverne où il passa la nuit. Alors le Seigneur lui adressa la parole. « Pourquoi es-tu ici, Élie? » Il répondit. « Seigneur, Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchaient à m'ôter la vie. « Sors, lui dit le Seigneur, tu te tiendras sur la montagne, devant moi, je vais passer. » Aussitôt, un grand vent souffla avec une violence telle qu'il fendait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas présent dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y eut le bruit d'un léger souffle. Dès qu'Élie l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau, il sortit de la caverne et se tint devant l'entrée. Il entendit de nouveau une voix qui disait « Pourquoi es-tu ici, Élie? » Il répondit « Seigneur, Dieu de l'univers, je t'aime tellement que je ne peux plus supporter la façon d'agir des Israélites. En effet, ils ont rompu ton alliance, ils ont démoli tes autels, ils ont tué tes prophètes. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. » Mais le Seigneur lui dit « Va, retourne par le même chemin à travers le désert et rends-toi à Damas. » Tu iras y consacrer de ma part Hazaël comme roi de Syrie, puis tu iras consacrer Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël, et Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, pour te succéder comme prophète. Ceux qui échapperont à l'épée d'Hazaël seront mis à mort par Jéhu, et ceux qui échapperont à l'épée de Jéhu seront mis à mort par Élisée. Mais je laisserai survivre 7 000 hommes du peuple d'Israël, à savoir tous ceux qui ne se seront pas mis à genoux devant le dieu Baal et n'auront pas donné de baiser à ses statues. » Élie partit de là. Il trouva Élisée, fils de Shaphat, en train de labourer un champ avec 12 paires de bœufs. Élisée conduisait lui-même la 12e paire. Élie, en passant près d'Élisée, jeta son manteau sur lui. Alors Élisée abandonna ses bêtes et courut dire à Élie, « Laisse-moi aller embrasser mon père et ma mère, après quoi je te suivrai. » « Mais tu peux retourner à ton travail, » répondit Élie. « Est-ce que je t'ai demandé quelque chose? » Élisée retourna à son champ. Là, il prit ses deux bœufs et il les sacrifia. Avec la charrue, il fit du feu pour cuire la viande. Il la donna ensuite aux gens qui étaient présents et ils la mangèrent. Puis il suivit Élie et devint son serviteur. Ben-Hadad, le roi de Syrie, rassembla toute son armée qui regroupait 32 rois alliés avec des chevaux et des chars pour aller assiéger et attaquer la ville de Samarie. Il y envoya des messagers dire à Achab, roi d'Israël, « Voici un message de la part du roi Ben-Hadad. Livre-moi ton argent et ton or, ainsi que tes femmes et tes enfants les plus beaux. » Le roi d'Israël lui fit répondre, « J'obéis aux ordres de sa majesté le roi. Je me livre moi-même à lui, avec tout ce qui m'appartient. » Mais les messagers vinrent le trouver une seconde fois et lui transmirent ce nouveau message de la part de Ben-Hadad. « Je t'ai envoyé l'ordre de me donner ton argent et ton or, tes femmes et tes fils. Eh bien, sache que demain, à pareille heure, j'enverrai mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ton palais et les maisons de tes ministres, et ils prendront et emporteront tous les objets précieux auxquels tu tiens. » Alors le roi d'Israël convoqua tous les anciens du pays et leur dit, « Vous pouvez constater vous-même clairement que celui-là nous veut du mal. » En effet, quand il a envoyé ses messagers pour me réclamer mes femmes et mes enfants, ainsi que mon argent et mon or, je ne lui ai pourtant rien refusé. Tous les anciens et tout le peuple lui dirent, « Ne l'écoute pas, n'accepte pas. » Il donna donc la réponse suivante aux messagers de Ben-Hadad. « Dites à sa majesté, tout ce que le roi m'a demandé la première fois, je l'aurai fait, mais ce qu'il exige maintenant, je ne peux pas l'admettre. » Les messagers allèrent porter cette réponse à Ben-Hadad. Alors celui-ci envoya un troisième message au roi Achab. « Que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions si je laisse subsister de Samarie assez de décombres pour remplir les mains de tous ceux qui m'accompagnent. » Le roi d'Israël répondit, « Rappelez à Ben-Hadad ce que dit le proverbe. Celui qui part au combat ne doit pas se vanter comme s'il en revenait vainqueur. » Ben-Hadad était en train de boire avec les autres rois dans les tentes quand il reçut cette réponse. Il donna aussitôt aux officiers l'ordre de préparer l'attaque. Ces officiers s'y préparèrent. Nous enchaînons avec la lecture du psaume 135. Alléluia, vive le Seigneur. Acclamez le Seigneur, acclamez-le, vous ses adorateurs qui vous tenez dans le temple du Seigneur, dans les cours de la maison de notre Dieu. Acclamez le Seigneur car il est bon. Célébrez-le par vos chants car il est accueillant. Le Seigneur s'est choisi Jacob, il a fait d'Israël son bien personnel. Oui, je le sais, le Seigneur est grand. Notre Maître surpasse tous les dieux. Le Seigneur réalise tout ce qu'il veut dans le ciel et sur la terre, sur les mers ou dans leur profondeur. Il fait monter les nuages de l'horizon. Il lance des éclairs pour déclencher la pluie et lâche la bride au vent. C'est lui aussi qui, en Égypte, a frappé de mort les premiers-nés, tant chez les humains que parmi le bétail. Par ses envoyés, il a fait des interventions marquantes, en plein chez toi, Égypte, contre le Pharaon et tous ses valets. Il a battu de nombreuses nations, il a fait succomber des rois puissants. C'était Sion, roi des Amorites, et Og, roi du Bashan, et tous les rois de Canaan. Il a donné leur pays en patrimoine à Israël, son peuple. Seigneur, ta renommée est éternelle, de siècle en siècle, tu restes Dieu. Oui, le Seigneur rend justice à son peuple, il est sensible au sort de ses adorateurs. Les idoles des païens, qu'elles soient d'argent ou d'or, ne sont qu'un produit fabriqué par les hommes. Elles ont bien une bouche, mais elles ne soufflent le mot. Elles ont bien des yeux, mais elles n'y voient rien. Des oreilles, mais elles n'entendent rien, et pas le moindre souffle dans leur bouche. Que ceux qui les ont fabriquées deviennent comme elles, et quiconque aussi met sa confiance en elles. Vous, les tribus d'Israël, remerciez le Seigneur. Vous, les prêtres, descendants d'Aaron, remerciez le Seigneur. Vous, la compagnie des Lévites, remerciez le Seigneur. Vous, les nouveaux fidèles, remerciez le Seigneur. Que de Jérusalem monte un grand merci pour le Seigneur qui a sa demeure sur le mont Sion. Alléluia, vive le Seigneur. Proverbe chapitre 16, les versets 30 et 31. Celui qui ferme les yeux et serre les lèvres pour préparer un mauvais coup l'a déjà réalisé. Les cheveux blancs sont une parure qui couronne celui qui a suivi les traces de la justice. Et nous enchaînons avec notre dernier texte. En Romains chapitre 11, les versets 13 à 36. Je m'adresse maintenant à vous qui n'êtes pas juifs. Je suis l'apôtre destiné au peuple non-juif, et en tant que tel, je me réjouis de la tâche qui est la mienne. J'espère ainsi exciter la jalousie des gens de ma race pour en sauver quelques-uns. En effet, quand ils ont été mis à l'écart, le monde a été réconcilié avec Dieu. Qu'arrivera-t-il alors quand ils seront de nouveau accueillis? Ce sera un vrai retour de la mort à la vie. Si la première part du pain est présentée à Dieu, tout le reste du pain lui appartient aussi. Si les racines d'un arbre sont offertes à Dieu, les branches lui appartiennent aussi. Israël est comme un olivier auquel Dieu a coupé quelques branches. À leur place, il t'a greffé, toi qui n'es pas juif, comme une branche d'olivier sauvage. Tu profites maintenant aussi de la sève montant de la racine de l'olivier. C'est pourquoi tu n'as pas à mépriser les branches coupées. Comment pourrais-tu te vanter? Ce n'est pas toi qui portes la racine, mais c'est la racine qui te porte. Tu vas me dire, « Mais ces branches ont été coupées pour que je sois greffé à leur place. » C'est juste. Elles ont été coupées parce qu'elles ont manqué de foi, et tu es à cette place en raison de ta foi. Mais ne t'enorgueillis pas. Fais bien attention plutôt, car si Dieu n'a pas épargné les Juifs, les branches naturelles, prends garde de peur qu'il ne t'épargne pas non plus. Remarque comment Dieu montre à la fois sa bonté et sa sévérité. Il est sévère envers ceux qui sont tombés, et il est bon envers toi. Mais il faut que tu continues à compter sur sa bonté, sinon tu seras aussi coupé comme une branche. Et si les Juifs renoncent à leur incrédulité, ils seront greffés là où ils étaient auparavant, car Dieu a le pouvoir de les greffer de nouveau. Toi, tu es la branche naturelle d'un olivier sauvage que Dieu a coupé et greffé, contrairement à l'usage naturel sur un olivier cultivé. Quant aux Juifs, ils sont les branches naturelles de cet olivier cultivé. Dieu pourra donc d'autant mieux les greffer de nouveau sur l'arbre qui est le leur. Frères, je veux vous faire connaître le plan secret de Dieu, afin que vous ne vous preniez pas pour des sages. Une partie du peuple d'Israël restera incapable de comprendre jusqu'à ce que l'ensemble des autres peuples soit parvenu au salut. Et c'est ainsi que tout Israël sera sauvé, comme le déclare l'Écriture. Le libérateur viendra de Sion. Il éliminera la révolte des descendants de Jacob. Voilà l'alliance que je ferai avec eux quand j'enlèverai leurs péchés. Si l'on considère leur refus de la bonne nouvelle, ils sont les ennemis de Dieu pour votre bien. Mais si l'on considère le choix fait par Dieu, ils sont toujours aimés à cause de leurs ancêtres. Car Dieu ne reprend pas ce qu'il a donné et ne change pas d'idée à l'égard de ceux qu'il a appelés. Autrefois, vous avez désobéi à Dieu, mais maintenant, vous avez connu la compassion de Dieu, parce que les Juifs ont désobéi. De même, ils ont désobéi maintenant pour que la compassion de Dieu vous soit accordée, mais afin qu'eux aussi puissent connaître maintenant cette même compassion. Car Dieu a enfermé tous les humains dans la désobéissance afin de leur montrer à tous sa compassion. Que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Qui pourrait expliquer ses décisions? Qui pourrait comprendre ses plans? Comme le déclare l'Écriture, qui connaît la pensée du Seigneur? Qui peut être son conseiller? Qui a pu le premier lui donner quelque chose pour recevoir de lui un paiement en retour? Car tout vient de lui, tout existe par lui et pour lui. À Dieu soit la gloire pour toujours. Amen. Et nous terminons par la prière. Seigneur éternel Dieu, notre grand Dieu, toi qui surpasses tout autre nom, toi Seigneur qui réalises tout ce que tu veux dans le ciel et sur la terre, sur les mers ou dans les profondeurs. Mon Père, ta renommée est éternelle, de siècle en siècle, tu restes Dieu. Tu es bon, tu es accueillant, tu es fidèle. Oui, que la richesse de Dieu est immense, que sa sagesse et sa connaissance sont profondes. Seigneur, nous venons devant toi ce matin, nous voulons t'adorer pour qui tu es. Nous voulons te rendre l'honneur qui t'est dû. Nous reconnaissons combien nous avons un grand Dieu. Seigneur, nous savons que nous sommes pécheurs devant toi. Et on veut te confesser nos péchés encore ce matin. Merci, Seigneur, pour ta compassion. Merci parce que malgré notre désobéissance, tu déverses sur nous ta compassion et ta bonté, ta bienveillance, ta grâce. Oui, Seigneur, nous sommes tellement reconnaissants. Nous élevons vers toi un immense merci pour tout ce que tu as accompli pour nous. Seigneur, nous reconnaissons que tout vient de toi, que tout existe par toi et pour toi. Oui, à toi seul soit la gloire pour toujours, éternel Dieu. Puisses-tu accomplir à travers nous les œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Oui, Seigneur, utilise-nous à ton service. Nous voulons être tes serviteurs et nous voulons, Seigneur, travailler pour l'avancement de ton royaume sur cette terre, afin que tu puisses être glorifié en toutes choses. C'est notre prière ce matin. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que nous te prions. Amen.